émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Joule. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Joule et toute la team Joule, la Liga One, tous ceux qui sont venus. Ceux qui suivent Joule avec le hashtag Joule sur Skyrock, vous balancez vos messages. Joule, comment va? Alors, ça va quoi? Eh ben, écoute, en pleine forme. Pépère, moi aussi. Tu as un très joli survêtement. Bayern, je ne comprends pas, ce n'est pas d'actualité ce soir puisqu'il y a un match hautement important. Ah, c'est pas grave, je mets de tout, moi. Il y a un match qui est PSG-Barça que tu commenteras chez Difool tout à l'heure. Ouais. Je serai là tout à l'heure. Pour notre plus grand plaisir tout à l'heure dans la radio libre. Bon, tout va bien ce soir? Ouais, ça va, pépère. Ce soir, on a plein de choses à faire. Hein. Ouais. Ce soir, déjà, tu nous avais promis hier de faire un son, de réaliser un son en direct, donc t'as aucune base, t'as rien. Voilà, j'ai rien, j'ai pris mon ordi, là. Je pars du début, je fais l'instru du début et je freestyle à la fin dessus. Et bon, on va attaquer ça d'ici quelques minutes, si tu veux bien. Voilà, et après, je présente les artistes de la Liga One. Et il y a du monde ce soir. Et voilà, il y a du monde, ça va freestyler sec. Ça va freestyler sec et sévère, à pas louper tout à l'heure. Joule et la Liga One en freestyle, Abdel est là au platine. Ça va bien Abdel, comme d'hab? Comme d'hab, on est là. Bienvenue Abdel, toujours un plaisir de te retrouver. Merci Fredo. T'es avec Joule cette semaine entre 20 et 21. Il y a aussi un son qui est signé Abdel sur l'album de Joule, qui est dans les bacs depuis lundi. L'album numéro 1 est là tous les soirs de la semaine. Joule est là tous les soirs entre 20 et 21. Et on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. C'était une belle soirée aussi dans le Planète Rap de Joule. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Bienvenue dans Planète Rap. Joule est là tous les soirs de la semaine. Comment va? Ça va quoi? Bah et toi surtout? Ouais, t'inquiète, je t'en fais, on est là. Jusqu'à vendredi. Bien sûr. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Planète Rap. Je trouve pas le sommeil avec la team Joule, l'équipe qui est là aussi, la chorale de Joule. La chorale Joule. Joule, ce soir, c'est la journée aussi spéciale avec les auditeurs qui vont te poser des questions live dans l'émission. Allez, vas-y. Salut. Ouais, ouais. Bien, en forme. Bien. Vous allez bien? Salut. J'aurais voulu savoir si tes paroles étaient dues à un drame sentimental ou quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du vécu. Ah, oh, j'invente pas, moi. Non, non, non, moi, tout ce que je dis, c'est du vécu. C'était hier soir dans Planète. Et là, tu t'emmènes. Et regarde travers, il insulte la mère, il se prend pour ton père, il te doit des lobes, ta famille la lobe, il t'a fait un trou, en plus il fait le fou. Est-ce que tu es prêt pour le live maintenant, Joule? Allez, on est chaud? Chaud ou pas? Allez, chaud pas. Il paraît qu'il y a live et freestyle juste derrière. Planet Rap. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Tu veux me taire, je suis là. Je suis un gangster quand je mélange la monster. Je me la pète pas parce qu'à ma tête un poster. Tu es MC, un braqueur ou un boxeur? Franchement, j'y ai plus, mais je t'écrase un brosseur. Le vase a débordé, t'as rajouté la goutte d'eau. Arrête pas les calages, t'as même pas un couteau. J'ai une victime, je monte pas le poteau. C'est pour les petits qui se font la merde avec des codes volés. Fais ça à X, Bingo ou Punto. Continue chez nous, ça t'écoute trop. Mais change pas, reste comme un vent. Quand tu mets autotune, des fois ça dégoûte trop. Mais j'en fais qu'à ma tête. Mon check, c'est Saint-Jean la pointe. Ramène ceux qui parlent de nous. Qu'on lui nique sa mère, qu'on lui casse sa tête. Viens là, ça sème qui me font mon oseille. Ratatata. Dans le check, les flics qu'on fait te font des prises de sommeil. Bon, faut que je me casse. Depuis que je suis dans le game, gros, je vise le sommet. Et ça y est, vous êtes balayés. Viens pas me sucer, t'es pas de mon allié. J'suis venu dans le rap comme un alien. 135 balles dans le barillet. J'ai plein de soucis. Oh, j'ai pas la tête à me marier. Avant quand je rappais presque ça riait. T'as vu c'était sur moi qu'il fallait parier. Planet Rap. Planet Rap. Ah là, c'était hier soir dans l'émission avec Joule et un gros live qu'on peut retrouver sur le Skyrock FM. Les images sont dispo. Alors les images, ne vous inquiétez pas, ne frottez pas votre portable, votre ordi, votre télé si vous nous regardez. Il y a beaucoup de brouillard dans le studio de Planète Rap. C'est le brouillard marseillais qui a frappé cette semaine entre 20 et 21. C'est du bon brouillard. Hein. Brouillard qui donne mal aux yeux, c'est très particulier. En tout cas, bienvenue à vous tous, c'est le Planète Rap avec Joule. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le son maintenant de Joule? Fais-nous Allez. Écouter. Fais-nous écouter. Alors, tu veux commencer? Ouais, j'ai envie que tu attaques maintenant. Donc, tu commences par quoi quand tu es devant ton ordi? Alors, hier, tu nous as parlé d'un logiciel qui s'appelle Pro Tools sur lequel tu bosses. Donc là, première étape c'est quoi? Là je vais mettre ça dépend. Des fois je mets le beat, des fois je fais directement la mélodie. Donc là il y a rien, on confirme, il y a rien du tout. T'as pas fait de base avant. Voilà. Là je refais ma base. Là Joule pour Skyrock. Joule pour Skyrock. Donc tu es en train de taper sur ton ordi et sur le logiciel, ce qui va devenir le son sur lequel tu vas rapper. C'est bon, je commence. Allez, on commence par quoi alors? Go. Bon là je mets le BPM. BPM, c'est le battement par minute, hein, voilà, donc soit ça. Un son speed, soit un son plus lent. Toi, t'aimes bien les sons comment, Joule, généralement? Là, je vais faire un peu un son, un peu comme, on va dire, message orageux, un peu dans ce délire. Allez. Je vais essayer. Voilà. Donc, t'en es où, là? Là, j'ouvre mes pistes. Les pistes sont ouvertes? Les pistes sont ouvertes. Donc, quel est le premier choix? Donc, c'est... Attends, mets bien ton casque, mets bien ton casque. Tu vas l'entendre dans le casque, tu vas entendre dans le casque. Ouais, je l'entends dans le casque. Tu vas entendre dans le casque. Ok, moi. Alors. Bim, là, j'envoie le kick, je vais envoyer. C'est parti ou c'est pas parti? Attends, ça se fait pas. Ah bah, tu m'as dit 5 minutes, top chrono. Je me suis là, dit que. Si tu veux que je fasse en 5 minutes, tu me mets pas la pression. Ah, si, là, il y a grosse pression en soir. On va juste baisser un petit peu ton casque si tu veux bien pour éviter les larcènes. Voilà, parfait. Et tu vas entendre dans un instant. Ah, c'est du direct, hein, ce soir dans l'émission avec Joule. Voilà, là j'ai mis le kick. Ah. Voilà, là il y a le kick qui tourne. Un battement de cœur. Voilà. Un peu speed. C'est bien le battement de cœur. Ouais, ah, battement de cœur, ouais. C'est bon. Là on va envoyer cash. On va faire là, c'est la caisse claire. Alors le choix de la caisse claire. Ça y est, on l'entend. Si vous arrivez à l'instant sur Skyrock, c'est Joule qui nous fait un son en direct, un son sur lequel il va rapper en fin d'émission. Il n'y avait rien de prévu, rien de fait avant. Rien de prévu, rien de fait. T'es inspiré un peu ce soir? Pas, on va voir ça après l'instru, tu me diras ce que tu en penses. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va faire par étapes. Donc là on a déjà la base, la première base. On va mettre un son. Tu vas continuer à le taffer pendant le son. Ah, mais continue à taffer. Ouais, tu continues un petit peu à taffer et puis on fera un point dans après le morceau si tu veux bien. Allez, vas-y. Donc le morceau c'est extrait de l'album qui est dans les bacs. Je trouve pas le sommeil. Voilà. Le voici pour débuter. Abdel, c'est quand tu veux. Maintenant. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je suis blessé, faut me parler. Je veux m'en aller. Je vois le mal partout. On me dit Joule, faut y aller. Bon Dieu, aidez-moi. Je vois des choses qu'il faut pas. Les gens te manquent pas. Tu fais plus d'un faux pas. Je vois quand tu me vois, tu ris. Tu fais comme si t'es mon frère. J'aime pas les gens comme toi. Mes potos, comment faire? Occupe-toi de ta life. Sache que moi, je suis pas les autres. Je reste éveillé toute la night. Parce que dans ma tête, c'est le désordre. Je fais ma vie comme je peux. Je fais un peu comme je veux. Dites-moi si je tourne en rond. Car des fois, je pète un plan. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, je vois les jours qui se répètent. Dédicace à Majid, Gennevilliers, Tahiti, Kamel, Villeneuve, Saint-Georges. C'est la crise au mic. Parle pas des autres, quelqu'un te regarde et t'écoute. Tu fais le gros mais quand ils sont face, non tu parles pas, t'es cool. T'es comme cette fille qui se laisse aller. T'es comme ce mec qui se cache, qui critique dans les coms. Trop des fils de, les traits de piste. Ils observent tous tes gestes, faudrait leur faire un film de. Personne n'oublie personne, mais pas de vodka. Ça pourrait venir te fumer quand tu te mets sous vodka. Combien de gris, moi je suis là. Quand y'a un bruit, ça saute pas. Combien change de camp comme des slips. La vérité, ça me choque pas. Tu trouves pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, j'vois les jours qui se répètent. Tu trouves pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème. C'est la même, j'vois les jours qui se répètent. Tu trouves pas le sommeil. Alors une dédicace à Titou et Tars du 83. Arrêta de droit de Valence en prison à Saint-Quentin. À Lionel et Amine de Luynes. Voilà, c'est la crise au mic. Et une grosse dédicace à Lounis, Kalilou, au bâtiment des Obomètres, à Dadigno, Le Mom, Pétou, Z, Nadir. C'est la crise au mic, mec. Et une grosse dédicace à Boy et à Gilles, à lui aussi. C'est la crise au mic. Et à Barbaz. Big up à Badis, à Brahim et à Tota. La crise au moins avec un mec. Big up à mon quartier, Saint-Jean-la-Pointe. Je trouve pas le sommeil, c'est extrait de l'album de Jul qu'on découvre entre 20 et 21. Ce soir, Jul nous fait un son en live depuis le début de l'émission. Il a commencé il y a quelques minutes, il y a 4-5 minutes maintenant. On a déjà une première base. On en est où sur le son? T'as fait un peu ou même pas? Pendant le morceau? J'ai rajouté juste des hit-hats, ça s'appelle. Fais-nous écouter les hic-hacks. C'est ça. Tu vois ça? On continue? Eh ben on continue un petit peu, ouais. Et puis dans un instant, on va attaquer un blind test avec deux auditeurs de Skyrock. L'un ou l'une va repartir avec des cadeaux signés Jul dans quelques minutes. Ok, bon, ça part de là. Un petit peu de piano. Si vous voulez voir les images, elles sont sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Vous verrez que Jul est très concentré. T'es comme ça en studio aussi? Ah ouais, tu parles même plus en fait. Vrai pianiste, Jul. Ah ouais, on dirait que déjà ça commence à t'inspirer là déjà. Ah, j'ai envie de partir en freestyle. Non, dans un instant. Attends, c'est pas fini, j'ai encore un petit truc à rajouter. Eh ben mets sur pause dans un instant, on va continuer le son. Tu le réalises en direct dans l'émission entre 20 et 21. Je te présente par téléphone Ryan de Noisiel. Salut Ryan. Allô. Comment ça va? Bien, vous? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planète Rap de Jul. Merci. Et face à toi, il y a Nawel d'Alès. Salut Nawel. Ouais, Nawel, ça va? Ouais, tranquille. Eh ben tranquille. Oh, toi t'es du sud, Nawel, forcément, Alès. Ouais, c'est le sud. Eh oui. Bon, est-ce que tous les deux, vous connaissez bien le répertoire de Jul? Oui. Par cœur. Alors le principe est simple, c'est un blind test. Je vais d'abord donner les phrases, c'est moi qui vais les lire. Des phrases, des punchlines de Jul. Le premier qui trouve le morceau doit me citer évidemment le nom du morceau. Vous êtes prêts tous les deux, Ryan et Nawel? Ouais. Attention. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles, elles sont très très maléfiques. Paranoïa, non? Wow, un point pour Nawel, on vérifie tout de suite. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles, elles sont très très maléfiques. Je suis dans ma paranoïa. En effet, dans ma paranoïa, Nawel, c'est un point pour toi. Ryan, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Bon, ok, attention, c'est peut-être pour toi celui-ci. Il zone toujours en bande dans le poche, le cran d'arrêt. Poursuit dans ta mesa double sur la bande. Ma life. De quoi? Ma life. Non. Tu peux répéter, s'il te plaît? Il zone toujours en bande dans la poche, le cran d'arrêt. Ah, la crise au Mike. La crise au Mike. Non, c'est pas la crise au Mike. Je me rappelle plus c'est quoi ce son. Eh ben c'est celui-ci. Dans le game. Ah ouais, oui. On dirait que je le découvre, le son. Jnounet. Jnounet, le morceau. Ah, pas de point pour vous deux. Troisième extrait, attention. Vous êtes prêts? Ouais. Au début, tout est rose. Après, tout le monde se poucave. Je sors même plus le week-end. Ma life. C'est pas ma life. Au début, tout je est rose. Je sors même plus le week-end. Voilà, peut-être que quand tu le fais. Salomon. Au début tout est rose, après tout le monde se poucave, je sors même plus le week-end. Non, pourtant il est simple celui-ci. Hein, ça. Attends, répète. Au début tout est rose, après tout le monde se poucave, je sors même plus le week-end. Oh putain, attends. Oh putain. Il y a des fous partout, yeah. Et Brigandé. Eh ouais. Au début tout est rose, après tout le monde se poucave. Il y a des fous partout. Allez, deux points pour Nawel. Bon, attention, celui-ci, ça va être très simple. Celui-ci a beaucoup tourné aussi sur Skyrock. Attention, je perds mes mots, je sais plus quoi faire, t'es trop belle. Signora. 3 points. Alors, on va jouer pour l'honneur, hein, Ryan. Hein. Attention, pour l'honneur, celui-ci, il est pour toi, Ryan. Écoute bien. Je vis ma vie comme je peux, je fais un peu comme je veux. Dites-moi si je tourne en rond, car des fois je pète un peu. My life. Mais non, mais my life, il est même pas. Ouais. On vient de. Coupe pas le sommeil, coupe pas le sommeil. Ah oui. Eh ouais, Nawel, vainqueur par KO. Album dédicacé de Jul. Pourtant, on va rajouter un t-shirt aussi de la Liga One. C'est pour toi. On t'envoie ça du côté d'Alès. Merci à tous les deux, en tout cas. Attends, je peux faire une dédicace?

avec Khalif. On va mettre le feu, derrière moi il y a la Dream Team Jul. Elle est là. Elle est là ou pas, la Team Jul? C'est extrait de l'album Je trouve pas le sommeil, l'album qui fait un véritable carton, l'album de Jul qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Et Jul ce soir nous fait un son en direct. Ouais. Allez, on va bientôt finaliser ce son puisque tu vas pas tarder à rapper dessus d'ici une petite dizaine de minutes. Ouais, encore on finit là. Allez, on finit ça, on finit le son maintenant. Déjà. Écoutons déjà où on en est. Il y a un quart d'heure, il y avait rien. Ok. Qu'est-ce qui manque pour toi là? Un Jul. Là il manque vite fait une petite note et c'est bon je crois. J'entends que tu testes des trucs là. Hein. Ouais. Dans un instant, il y a Jul qui va rapper dessus. Ouais, c'est bon. C'est bon là, tu l'as? Ouais, attends deux secondes. Ah non, non, non, il manque la basse. Je vais vite la basse et on est bon. Eh bah, bouge pas. La basse, c'est dans un instant. Ok. La fin, suite et fin du son de Jul sur lequel il va rapper dans quelques minutes. Bougez pas, c'est le retour de Planète Rap après ça. Comme toi. Jul a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. On est avec Jul tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Ce soir, Jul a relevé un défi, faire un son et rapper dessus avant la fin de l'émission. Le son, ça y est, on l'a pratiquement, Jul. Hein. Voilà, là, il manque la basse et j'en bois. Et bah alors, fais-nous écouter où ça en est. Ça, c'est le son que Jul a fait là, en l'espace de 22 minutes. Donc, il manque la basse et a priori, tu vas rapper dessus là dans un instant. Bon. Et ben voilà, bravo, on peut applaudir, je pense faire du bruit pour Jul. Il a relevé le défi. Non, attends. Je te donne un coupon, deux secondes. Avant d'attaquer le freestyle, on va d'abord accueillir le freestyle par téléphone. Ah ouais, c'est vrai. Ou alors peut-être mettre un morceau. Peut-être un morceau de Jul juste avant. Allez, on envoie la crise au Mike. La crise au Mike. Crise au Mike. Abdel, si t'es prêt. On m'a raqué sans baisse, quoi. Star ou pas, j'arrive en short là où les gens ne s'y attendent même pas. Ils peuvent me casser, mais gros moi ça ne m'atteint pas. Tu peux m'effacer ta life, de toute façon je t'aime pas. Ça craint pas, tu fais le sympa. Le mec qui bouge sur le tempo, tu rêves pas. En concert, je fais trembler le mur comme ton pot. Beaucoup de mal à tolérer, poteau tu as trahi le sang. Je parle trop bien, je suis m'aéré, j'ai trop d'alcool dans le sang. Tu m'aimes pas, je deviens célèbre, trop d'MC sur la sellette. Je pense à mon pote dans le chill, sourire quand je relis ses lettres. Solo dans ma bulle, j'essaye, je tentais ma chance. Mais poteau prenez ton placement pendant que je rappelais dans ma chambre. Je me lève et je vois plus des gains. Je voyais leur mère, j'étais mal parce que leur fille jouait avec des guns. Avant t'étais à jeun, maintenant faut que tu fumes. Hein. Avant t'étais une victime, maintenant tu veux conquérir le sud. Hein. Hein putain, qu'est-ce qu'elle est mouvementée? Je suis pas là pour me vanter. Ouvre les yeux pour ton frère quand les siens sont bandés. Que je nique ma santé, j'ai toujours mal, je t'as vu. Ouais, même quand tu me vois plaisanter. Oh, c'est équipe, y'a un bruit, descendez. Des petits me critiquent, ils ont oublié qu'ils les défendaient. Avant ça bandait, on tire ça tirer, ça plantait. Des tabacs à tenter, pas cagouler, pas tenter. J'ai un problème? Viens me voir, n'hésite pas gros. Check sur un coup de tête, ça part des braques et le spark. Trop de bâtiments à l'horizon. Je me fais du mal à la vue, un peu comme des murs de prison. Toi tu parles de moi, connais-tu mon véhicule? Les gens me voient comme une star, pourtant je marche en sécu. J'arrive en jogging dans les soirées où les gens mettent des cravates. J'arrive bien, je repars rabattre. J'ai vu ton bise, pour moi tu n'es qu'un fils de tapin. J'ai envie de te fouetter, tu fais le mec en temps pas quand t'appelles. Le parcours de ma vie est rude, faut souffrir mais guérir. Crois pas que je me moque de toi gros, c'est juste que tu me fais rire. Et toi pourquoi tu me fais le parrain? T'es pas gros, t'es pas riche. Je me sens comme bloqué dans la jungle comme Alain Paris. Quand y'a un doute, y'a plus de doute. Je suis trop plus riche, même plus une goutte. Il me reste que la vodka dans la bouteille pour oublier que je souffre. On s'aime des fois, on saoule. Je vis, j'en perds mon souffle. Ça se critique et après ça dit putain l'équipe faut qu'on soude. Marque ses conneries. Pour partir du quartier, qu'est-ce qu'on donnerait pas? On se met à soi-même en disant que d'ici on ne partirait pas. On ne s'éviterait pas. On se trahira jamais pour une gadget qu'on ne connaît pas. Mais tout est arrivé. Y'a pas d'acte, y'a que des mots gros à l'arrivée. Laisse-moi naviguer entre bien et mal. Putain la vie c'est hardcore comme mettre son ami dans la malle. Laisse-moi frérot j'ai mal. J'aimerais tracer droit mais rien que du calme. C'est dur de voir qu'on a tous mal. Et de faire les mecs, genre on se régale. Je sais qu'on s'aime, mais faut qu'on s'aide. Qu'on prenne le bise et qu'on s'installe. Y'a des lots dans la zone. J'suis tellement chaud au cœur quand dirait qu'on brûle à l'azote. J'suis pas les autres, j'vais pas le répéter 100 fois. Tu fais le mec tout le temps froid. Jusqu'au jour où tu vas t'en prendre une dans le foie. T'es un voyant, mais dans quoi? Je parle mon histoire à tout le monde, mais pour me le dire, t'attends quoi? Que je pète les plans, que je me fasse enterrer, que je devienne dingue comme ce mec qui veut se jeter d'un pont. Des fois je rigole, 5 minutes après j'ai envie de pleurer. Des fois je picole, des fois je filme en me disant qu'est-ce que je ferais. Qu'est-ce que je ferais si je perdais ma main ou si les flics me recherchent, putain. Qu'est-ce que je ferais? En manque de souffle, faut coffrer comme le petit dans fraîche. Déçu des femmes, je dis pas que j'avance, le cœur sans flèche. Dis pas que c'est la rue, dis pas que t'es le meilleur. On sait que t'es un dégât, c'est pas le mec qui manie le mitrailleur. Posé au texte, tu sais, j'irai jamais vivre ailleurs. Moi faut que je me taille, y'a trop de traîtres qui veulent mes valeurs. Oh les mecs, je te braque comme Vince dans la haine. Aime-moi pour ce que je suis, c'est pour ce que j'ai, pas la peine. Et en plus j'ai rien, sur pépé que j'ai rien. Qu'est-ce que j'ai de mieux, à part être intérieur. Je vois les mecs au charbon, les gérants visionnent le terrain. Les clients viennent et repartent comme les gens quand tes rêves. Faire des sous c'est difficile, ils diront. Ôter la vie c'est facile, hein, gérant. Je suis au quartier, poteau, les genoux, droit dans tum tum. Des miss m'appellent en masque et ma patte en parlant tup tup. Avec Mortadon, je fais la bise du sursis. Et s'il va pas la stup, ça va lui faire tomber son sursis. Des fois avec Simon, bizarre nos cœurs se parlent. On aime voir les vrais prix de nous, que ça se garde ou pas. À sens ou pas, des gâteaux sur ce bar. Faut savoir qui ferait un tête pour toi, te mettre un peu sous place. Tout rien de mes pattes, on se plaît de la vie. Comme ce mec qui sort de toi, qui veut plus jamais manger de pâte. En bouquant sous patch, envie de fumer tout le monde. Même en chaîne t'avoue pas, même si la vie te tourmente. Des potos, il en reste peu quand ça tourne mal. Vas-y seul, ils vont te chauffer, arme-toi, ils vont être tous mal. J'fume des barres de seum, des fois j'parle tout seul. Seul, on se pèle les couilles libères, envie de faire une virée vers le seum. Y'a trop de folles, y'a trop de frères qui doivent sortir de tôle. C'est la crise au mic, make. Une grosse dédicace à Rémi Cabella. Voilà, le joueur de Newcastle. Dans pas longtemps, regardez ses matchs. Il marque, il va faire le signe Joule. Il a dit, c'est la crise au mic, make. Gros soutien à Rémi Cabella. Et ce soir, qui de l'équipe du PSG fera le signe de Joule? Ah, ça, je sais pas. Réponse tout à l'heure à suivre chez Difool à partir de 21h dans la radio libre avec Joule qui a commenté ce magnifique Barça PSG. Dans un instant, on attaque le freestyle. T'as fait un son là, t'as relevé le défi, t'as fait le son en même pas 22 minutes et encore il y a eu des coupures. Tu t'as rien tapé d'ailleurs pendant les morceaux qu'on passait ou pendant la pub, non? T'as laissé? Non, j'ai rien fait. Donc en l'espace de 5 minutes, voilà. Joule nous a fait un son, on va pouvoir le découvrir en freestyle dans quelques minutes. Et freestyle par téléphone avec Yanis F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va Fred ou quoi? Ça va et toi? Ouais, toi, Joule, ça va frérot quoi? Sans un frère. Ah non, sans frérot. Et bon, on t'écoute rapper, c'est parti, t'as une 30 pour tout défoncer Yanis, on y va. Vas-y. Ok. F2L. Brah, brah. Négative squad. Ok. Sartrouville. MOVB. Hein. Ok. Le ping. Ok. Finesse. Mi-2015. Ok. Hamzon. Allez. Morcababra. Ok. Hein. Je te raconte que j'ai comme galère dans ma vie. Si tu m'attelais qu'on détoque ça va vite. Bombard 3ème et trafale dans la vite. Pas besoin de 40 balles pour t'ôter la vie. Je parle d'Oji, couche, fine couche de VR. 2-3 taf et tu plantes dans les airs. HPS, au-dessus des jardins floral. J'ai de la substance qui te fait mal au vautère. Rentre dans la part, puis une odeur de bœuf. Je m'évade puis je vois toute la vie en bleu. De la résine plein les doigts, histoire de sécher la tête. Je m'apprête à passer au curing de semaine et ma bœuf sera prête. Pourquoi te lever si tôt? Pour ton pitoyable salaire. Quand tu veux faire des millions d'euros. Et ça rack avec de l'herbe. La vie est pitoyable, je marche sur les bois. Négro, chez qui veulent ma chute, me viser la tête. J'y serai peut-être encore tant que je la mette. Tu fumes ton propre business, Big Man. Tu veux sortir deux ondes, t'appelles Saul Goodman. Tu crois faire de la pure comme un iceberg, mais elle est impossible. Appelle-moi Eisenberg. Brah. Ok Yanis, à l'instant en freestyle. Merci à toi Yanis, mon pote. Ah, bien, très dédicace, bien. Petit message non, à passer, on t'écoute. Lancé. On t'écoute. Twitter, c'est Yanis F2L. Facebook, Yanis F2L aussi. Je vais sortir un très très très gros son ce lundi. Le deuxième extrait de ma mixtape qui sortira mi-2015. Le son s'appellera Authentique. La funeste s'appellera Funeste. Et bon, on suivra ça, Yanis. Merci à toi. Y'a pas de soucis. Passe une bonne soirée, on est avec Joule. Et ce soir, il y a l'équipe Liga One aussi qu'on salue. Hein, c'est le label Liga One. Tout à l'heure, il y avait un message en demandant si c'est bien Calif Hardcore qui est aussi à l'origine de tout ça. Bah oui, il est là avec nous aussi. On est là, Liga One, on représente, frère. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. En pleine forme. Donc ce soir, qui va rapper Joule avec toi? Alors, ben, il y a Kamikaze, Vizi, Calif et Wari et Bilka. En fait, ils vont envoyer le Ghetto Phénomène, ils vont envoyer deux sons. Calif il va faire écouter un son Kamikaze va faire un son, un freestyle, et Vizi va faire un freestyle. Eh ben, il est grand temps d'attaquer. Alors, on commence par quoi? Par le son que t'as réalisé il y a quelques minutes ou pas? Vas-y. Allez, c'est parti. Ça, c'est le son que Jules nous a fait. Il va rapper dessus maintenant. Il y a, possibilité de monter le son un peu, si possible, dans le casque. Ouais. Ok, man. Je viens vous choquer là. Faut pas le propre, tu me lèches des chattes. À la Jonquera, t'as vu l'instru, j'y casse la tête. Mes potes aiment quand ça pète, je crois que je suis bizarre, faudrait que j'arrête de consommer sur la barrette. J'ai pris le mic sans faire chichis, pour mon pote bim bim de Clichy. On fait plus confiance aux potos, trop de BDH qui aime le chichi. De voir nos têtes, on est fichés, pourtant on aime pas trop s'afficher. Bondel, quand je suis en voiture, quand les gens voient, ils restent figés. On m'a dit là, ils font les suceurs, mais que de critiques quand t'es pas là. J'ai répondu, c'est rien, laisse-les, quand ils auront besoin, ben je serai pas là. On m'a dit, Jules, faut pas lâcher, fais une révolution à la clé. Depuis que j'ai perdu mon frérot, j'ai envie de sortir qu'à lâcher. Disque platine, je vais à la chaîne. Oh shit, je m'achève. Y'a les Schmitt, la chave. Y'a embrouille sur la machette. Le taser, on les achève. Je m'active au cagette. Je te fais partie de la team Joule. Le CD, faut que tu l'achètes. Wesh alors, andalé. Vos critiques, remballez. Pour rien, faut pas parler. Faut agir, faut y aller. Laissez-moi, je suis dans mon délire. 24 ans, je fais encore des délits. Parce que je roule sans casque. Ils m'arrêtent les Schmitt. Rien que je délire. Allez, oh. Ouais, mon but, c'est d'aller, oh. Je suis en buvette, je m'en bats les couilles. Faut que les traites qui disent allez, go. Laisse pas ta maison ouverte. Les petits chez moi vont tout piller. Ils font toi la chaîne, ils foutent partout. Ils s'en foutent que t'es en train de roupiller. Mon rap, c'est la folie. Faire un demi sur l'autoroute. Comme s'arrêter en T-Mat pour barquer les RS3 au feu rouge. Je déballe ma life. Les Schmitt nous cherchent avec la maglite. Au quartier, c'est Marsupilami. Contre Ryan back alive. C'est pour mon frérot Gilou. Et tous ses co-cellulaires. Garder la pêche en cellule, mec. Mais tu joues quand t'es sur les nerfs. Comme Harry et Lélé. Tiens, un plan, fais le. Passe au E si tu veux toucher. Même si à la queue, le. Ils se montent dessus, vélélé. Leur avenir est scellé. Sur mes joues, c'est des la-la-larmes. Tu peux te dire qu'elles sont salées. Présente ses cassos, pour moi le rap c'est fastoche. Les demandes à Calif, on devient parano quand un fou s'approche. Y'a de la fumette, y'a de la miss, on rock pété toute la note. T'en prends pas à la mif, y'a le cousin dans la sacoche. Si je t'aime bien que t'as besoin, viens me demander, moi je te défauche. Je voulais dire à ceux de mon check que je les aime trop, c'est hoche. Mais j'aime pas quand on s'emboucane, qu'on se regarde travers sur une bécane. Qu'on déconne, qu'on a les nerfs, on fait style, on est calme. Trop de gens bizarres, trop de balance par téléphone. Je me suis mis au rap, les flas, les folles, les flûtes veulent des toffes avec leurs guns. Comme y'a mon rap dans les zones, les MC craquent tes bouts. N'essaie pas de me voir, ne m'approche pas, garde tes sous, à tes souhaits. À tes sûr, tu veux me la faire à l'envers, tu veux que dans mon cœur y ait des blessures. Je crois que je vais m'armer, le faux j'ai gué à m'amener. Même si je finis condamné, en cellule affamée. Wesh alors la famille, t'es qui c'est cette année. Numéro 1 des ventes, mais doucement j'ai une image à garder. Je sors le penchant d'amener, et puis ça fait m'apnée. Les Schmitt m'ont contrôlé, ils m'ont tout pris, faut en ramener. La miss me... J'ai le cœur enfermé dans le sas. Mais tout le monde à terre, mais vite tes billets dans le sac. Je suis resté le même, les frais le savent. Et même les faux le savent. Ok. Je regarde travers la Mondeo quand je marche dans le Tchekar. Ils peuvent grave nous voir monter haut. Alors on remonte à l'appart. À la jumelle, ça te fait ta kirk. Ça part à la gratte en birk. Et demande à Kurt. Demande à Kurt. Fais la folle en boîte, elle fait la fraîche en fière ta Bart. Je sais qu'elle a choupé tout le monde, mais elle me fait la fille à part. Dis-moi qui t'aide quand tu te retrouves sur la patte. Pas tes potes, c'est pas ta faute. Des compresses, fume la patate. Et ratatatata. Même si je vise la tête. Vous me voyez tout le temps sourire, mais au quartier c'est pas la fête. Ouais, au quartier c'est pas la fête. On en connaît tous la cause. Trop de frères enfermés, je sais pour une coupe où est la cause. Tu peux voir, laisse parler le cœur. N'écoute pas les gens, te laisse pas guider par la peur. J'ai goûté la galère, moi des fois je dormais dehors. Mais je remercie ma mère, grâce à ça je suis disque d'or. Gros, je me lève, je suis sur les nerfs. Envie de mettre des chaos quand j'entends que ça parle de moi. Je m'habille quand j'en crois certains. Gros, j'ai envie de les laisser sur le carreau. Un pare-balles sur le cœur pour éviter les balles, c'est salaud. Fais gaffe aux folles, elle dit je t'aime pour mieux te mettre une carotte. C'est pour mes dollars qu'on plongeait pour l'honneur. Pour un braco, pour un racket ou même pour 50$. Pour ce qu'on la gratte dans le sang, pour ce qu'ils font leur prière. J'ai plus le goût de la vie, d'où vient l'esprit meurtrière. Oh, d'où vient l'esprit meurtrière. Oh, et quand t'es faible, les gens veulent te manger à la petite cuillère. Quand t'es fort, les gens te choupent, ça date pas d'hier. Je faisais partie des oubliés. J'ai la plume faite pour l'or, alors je jette mon tablier. Menant tiré, poing lié. J'ai vu ta daronne, les yeux qui brillaient. J'ai pas avalé, mais j'en ai chié. Et j'ai une drôle envie de crier. Le shit m'a qui, gros je suis qui. À l'heure qu'il est, ça prend le kilo. Dans qu'il est, ces enculés, ils ont 10 kilos. Hein. Et ça se croit fort derrière une cagoule. Quand ça te voit, ça te lèche, ça te dit ça va cool. Ça fume le shit, ça tape et ça coule. Vos clashs me font rire comme des chatouilles. Dis-moi que ce qui t'est envie. Y'a les képutes, faut que tu t'enfuis. Ils veulent tout casser, moi se construis. J'écoute, j'parle pas, j'm'instruis. Celle-là c'est pour Barbas, ok. Hein. Celle-là c'est pour Barbas. On aime dire les choses en face. On gère nos plans et s'il faut. et ta tasse. Folle sous mon poteau, au quartier y'a pas de héros. Je représente la zone comme Nader El Mero Mero. Ils en placent une pour mousse, en brouillant on sort le mousse. Avant ça mettait des balayettes au gâtier pendant les soirées mousse. Et celle-là, c'est pour le petit midi. Faut envoyer des mandats les gars, quitte à faire des crédits. Et celle-là c'est pour Doom Doom. Netflix fait quand t'aime. Quand il frappe il sent plus rien, lui il dit j'aime j'aime. Celle-là c'est pour Teddy et Angie. Pour ma team, tu n'as la tienne. Tous les soirs on était des bonzes à l'ancienne. Et celle-là c'est pour Chico, Mortadon, Simo et Fabio. Trop d'éther sur un album tous les 6 mois. Celle-là c'est pour Boy, oui Amada le miel. On règle nos histoires seules, j'vois pas pourquoi tu te mêles. Celle-là c'est pour Racine et son petit frère Ryan. On sait que tu sais que chanter gros, donc fais pas le Super Saiyan. Et Miss, pourquoi tu me cries dessus? Y'a mon poteau, c'est un beau gosse. Son Facebook c'est Gilles Crixus. Celle-là c'est une spéciale pour mon poteau Yogo. Il a le flow qui met des claques depuis l'époque de la Twingo. C'est pour Najib, Asdi, Necker. Trop de fils d'up dans l'entourage, cette vie est mes cœurs. Celle-là c'est pour Walid, il style quand y'a les filles qui le course. Et demande à Adji ou l'ours, y'a que les vrais qui me valident. Et celle-là c'est pour Baby Boy et pour Houssine. On va vraiment tout niquer ce coup-ci. Et celle-là c'est une spéciale pour Fonvert, le quartier qui a fait sortir Jul, le légendaire. Mon quartier c'est 16 ans, la Pointa, là où j'ai tout vécu, là où j'ai fait mes premiers pas. Et celle-là c'est pour Brahim et Badis. Des beaux gosses comme un Miss, y'en a pas 10. C'est bien sûr sans oublier mon frère Tonta qui m'a aidé quand j'étais dans la merde. Et j'oublierai pas. Et celle-là c'est pour mon monstre qui a tout fait pour moi. Représente la team G, gros showcase en fin de mois. C'est pour Déjanté et Yacine Géant. Et c'est pour Némoi. Et c'est pour les frères qu'on prie des mois. La crise au mic ce soir, on envoie avec le morceau de. On envoie avec le morceau de Calif. Voilà famille. Après on suivra avec Ghetto Phénomène. Allez Abdel. Et on finira avec Kamikaze Visi. Morceau de Calif. HLM Live. Est-ce que la pointe est là ce soir la famille? Vous êtes là ou pas? On court. Yeah, yeah, yeah. Je raconte ma vie que ça te plaise ou pas. Pas de calage, pas de bazooka. On mène seulement une vie d'aloca. Je vois Mala qui lève jusqu'au cas. Cœur de pierre, j'y pose une vodka. J'ai des news de ton avocat. On brasse le coup, y'a du shit ou pas. Y'a les Schmitt, ça plaide donc ou pas. HLM Live, cherche l'amour dans un cœur de glace. J'parle pas de folle, t'inquiète, le pouce on gère monégas. Trop bébé, un beau monégas. Souffle à qui, voilà mon état. On fait pas les stars, porte bloquée, j'mite à mon étage. J'viserai la lune dans la bombe atomique pour toucher ton cœur. J'te dirai toujours dans le coin de l'oreille, fais honneur à ton père. On a besoin d'oseille, de faire le tour du monde, remplir ton coup de perles. HLM Love, on s'aime, tu porteras dans ton cœur. J'ramène la frappe, le soleil de Mars. En t-shirt et le mois de mars. On évite les voitures de place, toute la famille quand on se déplace. HLM Live, en Fiat 500, Cendrillon se lâche. La lune est haute, sous l'effet du spé, je revois des flashs. J'suis dans le four, chez une barre maritime dilate. Viens mon amour, qu'on navigue sur des eaux pirates. Météo noir, danse sous la pluie, cœur en manque de love. Benaki, suis-moi, mets les voiles, on s'en fout des autres. Voilà famille, c'est extrait de vendredi 13, l'album, il arrive bientôt. Liga One, spécial dédicace, La Puenta, Fond Vert. Voilà, Adji, Fabio, Mortador, Simo, Chico, Mousse, Azine, Cœur. On est là la famille, Déjanté. Morceau de Calif encore à l'instant qui sorti. Voilà la famille, l'album arrive. C'est quand, en 2015? Voilà, il arrive en 2015, à peu près en avril, Inch'Allah. Avant, on va faire monter le buzz, voilà. Il y aura tous les membres de la Liga One sur l'album et on a fait un gros album, on va essayer de mettre le feu encore après Jules. Voilà, ça va péter, moi je te le dis, Fred, ça va péter. Ça va péter. Une grosse dédicace à NN et Safia et voilà, c'est la crise au Mike. On continue avec qui, Jules? On continue avec qui maintenant, Jules? Là, on continue avec Ghetto Phénomène. C'est parti. On envoie le son de Ghetto Phénomène. Ah, démocratie, j'en vois de toutes les couleurs, je ne suis pas raciste. Faut que je tape, que je me cache, il a Obama, mais là je me démerde dans la matière. J'ai besoin d'une femme d'enfer. Si peu, usine, ferme ta gueule et fais mes affaires. 190 de poitrine à la garda. J'ai des fils de pute de police, mais y'a que des. Les MC chantent, ils font du stop sur l'autoroute. Dans le rap, on les met en I comme Rick sur un croisé. On finit avant, je vois mes potes, ça finit. Phénomène du ghetto, ma gueule. Yeah, yeah. Les gars, one. Scrap à la télé, ils nous font croire que c'est au Batoura. Venir sur scène, ils t'enferment. Si t'es du cœur. Plus de sous, je m'enferme. Je travaille dans la cuisine. La vie, c'est l'enfer. Tout le monde, l'équipe. Point et l'une. Je fais les Weed, vodka sky, à taille. On ne te demande pas, nous dirait ton tarage. Big up à mes escrocs, malades, en tête, par la BF. Fuck, fuck, si tu m'as juré, et qu'à fin de compte, tu m'as fait BF. La concuse, BF, je ne veux le BM. J'ai ma consommation dans les coups, dans la TN. J'ai mis dans la DN, je vais te carotte. Des patates à la baraque. Le GP, gros bâtard, a mis la barotte. Dans Paris, la night, ça barotte. Fais pas ça, t'es une patate à la carotte. On est bavard, ni bavard, non tarot. J'suis pas qu'un million, j'suis pas Jarod. Pas d'un ancien comme la cassette. Tu le sais ce qui fait l'homme. Grosse dédicace à Freezer, la famille garde la pêche, le soufflant. Mais je balade de PD. Quand je prends le mic, décale le PD. Grosse dédicace, c'est en train. Qui pourrait faire tapiner ta soeur dans l'Est. Réussis, ne parle pas trop devant les arbres de l'Est. Phénoménal sur le bidon, nous connaît. Journal game dans la street, n'est pas glissé. J'ai fait 8 ans au taquet sur le boulevard. La tête est encore dans la cuisine. On kick le beat. Pendant qu'on entend les sons dans la street. Ghetto sur le tricot, démarche crapuleuse. Avance un petit poids, mais fournit le produit. Ah, si j'étais riche, je me referais pas dans la cuisine, bitch. Ah, ah, si j'étais riche, je me referais pas dans la cuisine, bitch. Hey, freeze. Ah, la télé, ils nous font croire que c'est tout beau, tout rose. C'est tout beau, tout rose. Tout phénomène. Yeah. Jim Jou, Jim Ligawan, tout le monde de l'équipe. Dédicace à Freeze en prison. A tous les frères enfermés, Momo Lagda, Momo Hachlaki, Ma vie d'abeille, DJ Ruchi, le sang, Romain Green. Attends, attends. Tout le monde sort. Ghetto Phénomène, ça aussi ce sera une sortie pour 2015. Voilà, tout ça c'est sorti, tout ce qu'on vous présente ce soir c'est sorti 2015, ça arrive lourd lourd lourd. Donc c'est sur le label Liga One. Yeah. Ghetto Phénomène, et là on part sur quoi, jouer un dernier son? Ouais, là on envoie avec Kamikaze, avec l'instru juste après, vite fait, et voilà. Eh ben on y va, c'est parti. Allez. Yeah, yeah, 1. Bariole. Okay. Yeah, bariole, 1, 3. 1200. Ok. Yeah, c'est Kamikaze pour toi. Yeah, yeah, yeah. Si je bosse pas, t'avances pas. Chaque fois tu penses pas. Papa de lance basse, toi même tu as balancé. Ne dis pas ce que tu penses pas. Ton pote le laisse pas. Les fonds ne restent pas. Pas besoin de pour avancer. Nous on sait sur qui compter. Des terres à monter. Suffit pas de parler. Non, pote, faut la volonté. Ou un esprit, faut la dompter. Pétard inventé. Si tu veux du produit, la patate à volonté. Tout est basé sur l'aspect. Y'a plus de respect. Tu veux le respect. Car pote, on fait pas confiance. Personne peut contester. Si tu veux tester, tu risques du rester. Pour toi, je crois que t'as pas conscience. Rien ne sert de jacter. Je suis là, mes bases sont dans la voie lactée. Je passe l'arrivée avant le préfet parté. T'as trop fumé au poteau, t'as bugué sur Arte. Devenu banal d'avoir les jambes écartées dans le game, trop de salopes. Vaut mieux penser qu'à soi plutôt que de penser qu'à l'autre. Donc c'est pile pas, mais le pile de Valentre. Arrête ta garoffe pour t'en tirer à l'enfer à l'autre. Je t'ai dit qu'à plus d'âge pour se faire allumer. Ouais, après la rafale, je demande d'allumer qu'allumer. Je vois les briquets allumés pour tous ceux qui sont partis. Si ton pote parle trop, rien n'est allumé. Trop de fois la soulever, que vole pas la peine. Si t'es RNS, ne fais pas la belle. Beaucoup manque à la belle, des lamelles à la pelle. Numéro masqué, ne prends pas la pelle. On prend le but à coup de pelle, y'a pas de karaté. Personne te fera la passe, des bons karaté. Je parle pour rien, tu veux me balader. Si tu nous fermes les portes, on va escalader. Hein, on veut tous être blindés. Ta carrière dans le 2G. De quoi percer des blindés. De quoi clarifier sans souci. On veut tous de l'amour. Non mais pas d'entendre. Mais vivre des mauvais. J'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le 2G. De quoi percer des blindés. De quoi clarifier sans souci. On veut tous de l'amour. Non mais pas d'entendre. Mais vivre des mauvais. Il n'y a pas de hasard. Il y a les joueurs et puis à celui qui a le brassard. Et ceux qui visent et puis à ceux qui tirent au hasard. Tu vas couler pour toi même si t'as mis les brassards. C'est Camille Mozart pour les têtes rasées. Je dois du bif pour ton les murs tu vas raser. Même si on pardonne on n'oublie pas le passé. Non c'est pour tous ceux qui marchent bien et sur le brasé. On va t'écraser par terre comme les culs de joint. Chez nos potes on n'a plus rien ne sert à rien de point. J'arrive à balle je rappe plus que les ballons quand je rappe les radars me flash à force. J'ai perdu mes 12 points minimum faut 12 points pour monter en l'air. Rien ne sert de tirer pour tirer en l'air. Mettez tous les mains en l'air. J'arrose comme les canadaires. Si t'allumes ta mère je te vide tout le camembert. On est toujours sur les nerfs donc il faut qu'on consomme. Ça veut du bif avant que le gang sonne. Le monde est fasciné par les grosses sommes. J'occupais mon bas les couilles pour que le fun sonne. Des fois ça fonctionne, des fois ça marche pas. Devant les armes ça court, ça marche pas. Il faut choisir entre le bien ou le mauvais moment donné. Faut faire un choix, les deux ça marche pas. T'inquiète, on lâche pas, on perce dans la serrure. Faut rester solidaire, c'est tout pour la thune. Faut pas parler, faut le faire. Investir dans le fer pour investir dans la pierre et quitter le bitume. Mon charbon sur iTunes, on n'a pas fait d'études. Pour faire le buzz, il faut faire le gros tube. Ça parle des grosses caisses, roi rien, un gros cube. Pas besoin d'un tuyau quand on a le gros tube. Hein, on veut tous être blindés. Faire carrière dans le 2G. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas d'entendre. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le 2G. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas d'entendre. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On va tous être blindés. C'est Kamikaze poto. Niga One Industry. Kamikaze. Grosse dédicace à Jul. Trop pas le sommeil dans les bacs ma gueule. Une grosse dédicace au quartier Bariol à Arles. C'est la crise au mic mec. C'est la crise au mic. Tu nous envoies l'instru s'il te plaît. Freestyle hein. Abdel, Vizi. Yeah. Vizi. Vizi. Vizi. Go. Kamikaze, avant le micro. Yeah. Après, hein, les gars. Yeah. Suivez, après Kamikaze. Vas-y, vas-y. J'fuck la police, bah ouais. Comme vous dites. Le pif est mon kiff, faut faire la diff avant que la mort me quitte. Et on me dit de rester pisse, comme un chien sur le jeu pisse. Ouais. Prêt à faire des trucs de fou, de dingue pour la monnaie. Mais pour être un winner, mais les gens me portent la reine. Masqué comme Halloween, prêt à leur faire un film d'horreur. Ça gère n'importe quel, porter c'est des séquelles. Coq-coq dans le ZM, c'est tout devenu des killers. On veut toujours plus de bis, être les têtes du bis. De gros sommes dans la valise, et ma paire de Jordan loin de Belize. Libérez vite, trop de frères entre là, je pète un pont. Jules c'est la crise, mais je vois pas finir ma vie sous un pont. Et je mets du Bacardi dans le coca. MC passe tous dans la boca. Font les shows mais ils sont bons cas. Jaloux t'es les gars, on n'est pas ta bande de toga. Fonce, reste dans le pire. Josie à Charles pose une bière. Dans la vie faut apprendre du pire. Garder le cœur dur comme une pierre. Mental forgé comme le métal. Plus rien ne m'étonne. Plus confiance en tous ces MC les trois carmitons. Je reste dans ma matrice en parlant qui le Anton. Fils gros joint d'huit chargé comme à Kingston. Chapka, vodka, j'te mets la rat caresse. Pour du chaka, chaka, j'la fais à la russe. On a grandi dans la rue, c'est nous les kings du vice. Roulette, roulette russe, fallait pas jouer ce goût-ci. Et vas-y, sors la massage, décompresse au salon de massage. La vache, t'es guéri, massage, viens leur faire passer le message. Je veux plus tout que le massa. Et le petit fou, le maïs. Et oui, qu'on a les mains sales. Armé comme un Mossad. Armé comme un Mossad. Armé comme un Mossad. Armé comme un Mossad. Armé comme un trahison, je la connais. Dis-moi qui c'est le king, je le kill, toi en soum comme un braconnier. Oui, ça vient de Marseille, fais pas le gros, y'a pas de tonnier. C'est spécial dans le pompe, normal, il t'allume les colliers. Ghetto phénomène, man, on est sur l'album, mais ça va cogner, ça va cogner. Maintenant tu nous suis, on fait la diff, on était jeune, tu nous as cogné. Tu me dis que c'est ta halal, mais je la connais. Elle est de terre à tout pas pointe, car je charbonne. Toi aussi t'as pas reçu, mais t'as grave donné. Grave donné. Ces petits de pute sont sous coque, ça l'a grave donné. Grave donné. Tu m'as planté dans le dos, je t'ai pardonné. Pardonné, l'homme connaît la valeur de l'argent, mais la valeur de l'homme qui la connaît. La connaît. Sa mère, ta C'était la session live à l'instant dans le Planet Rap. Jul et la Liga One avec du monde au freestyle, avec des morceaux qu'on a pu découvrir. Ghetto Phénomène était là, Kamikaze était là ce soir, Calif Hardcore était là et évidemment Jul entre 20 et 21 sur Skyrock. Merci à vous tous. Juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette et retrouver Default dans un instant. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music non-stop, plus des chèques cadeaux de 80 euros. Salut Sarah, ça va bien? Salut! À Marseille, comment ça va, Sarah? Ça va, et vous? Bah écoute, on est en pleine forme, tout va bien. Tu es prête à faire tourner la roulette? Je suis prête! Allez, c'est parti, tu sais qu'il y a plein de Marseillais ici dans le studio, hein, Sarah. On est à la maison, tu joues à domicile pratiquement. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Et bah voilà! Compile Planet Rap Urban Music Non-Stop avec 80 euros en bon d'achat qui arrive, c'est pour toi. Ah ben c'est parfait, c'est trop cool. Et ben on te fait un bisou, Sarah. Nous aussi, c'est possible de faire une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, ben je sais qu'il y a Jul parmi vous, donc Jul, je l'ai perdu dans le freestyle. Merci. Ah ben, ça fait plaisir. Il est là, il est à côté. À toute l'équipe Ligawan, à Alissa, Lisa, Nono, Janet, Camomille, Pastek, Belinda, Tony, Samy, un gros bisou à tout le monde. Bisous à toi Sarah. Bisous. Ciao ciao. Merci Jul pour cette soirée. Merci à vous. Bon, ça va, c'était bien. On a eu un son que tu nous as fait. Ouais. T'as pu rapper dessus d'ailleurs. Ouais. C'était tout à l'heure. On mettra d'ailleurs les images sur Skyrock FM. On fera un petit montage Momo, hein, je te dis ça. Efficace, carré comme d'hab. Donc là dans la soirée, on pourra revivre ça, le son que tu nous as fait dans l'émission sur Skyrock FM. Ouais. Remercier toute l'équipe de Liga One qui était là. Ouais. Un maximum de bruit pour la Liga One. Dédicace à Yoni, une dédicace à Ahmed, Prince et Poulet aussi sur la crise au Mike, une dédicace à Némoi. Et après je voulais faire encore un petit truc. Alors n'oubliez pas le 31. Oui, le 31 décembre, ça approche pour faire le 31 décembre, voilà, gros showcase à la Dict Club à Saint-Etienne. On va mettre le feu, c'est la crise au mic avec toute la Liga One. Et une grosse dédicace à Tota, à mon monstre et à mon manager que j'aime, Charlie. Merci à toi, Jul. Merci à toute l'équipe qui était là ce soir. Merci à Abdel qui était au platine entre 20 et 21 dans le Planet Rap. Tu restes d'ailleurs, Jul, hein, tu restes chez D-Fool pour la radio libre. Je vais avec D-Fool, ouais. On va retrouver D-Fool dans un instant. Bah pour le moment, D-Fool il est pas là. Ah, Romano. D-Fool il est rue Saint-Denis. Ouais, on m'a dit qu'il était pas loin en fait. Je reçois des messages. Il se balade. Bah, il y a que Samy et moi pour le moment. Et bah, attends, il y a une dédicace pour Jul pour finir. J'ai oublié une dédicace. Allez, une dédicace à Sabrina et Elissa, à Aurélie et Lina, à Morgane et Lissandro, à. Et c'est bon. Ah oui, au bar moderne. Et au bar le coquet, c'est la crise. Tu pourras en faire d'autres tout à l'heure. Tiens, ouais. j'ai oublié quelque chose par contre. Pronostic pour ce Barça PSG, Jul, s'il te plaît. 0-0. Ah bien. Fair play. Jul, bon, on suivra ça. Ça a commencé 0-0 pour l'instant. Mais je suis pour le Barça. Depuis, pour l'instant, tu es bien. Depuis 8 minutes, Samy, il est pour. Écoute, moi, je vois une victoire de Barcelone. Et c'est bon, D-Fool est arrivé. Arrivé D-Fool. Il y a tellement de monde pour Jul qu'on a plus accès au studio. C'est tout Paris est bloqué. Ouais, c'est ça. Bordel. Ça va tout le monde? En pleine forme? Écoute, ça va. Il y a d'accéder au studio difficilement, mais ça y est, on est dedans. Ça y est. Bon, donc tout va bien. Tu es là normalement jusqu'à minuit. Oui, avec toute l'équipe qui est là aussi. Avec Jul qui débarque d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Tu seras avec nous, Jul. Ah, bah là, elle est en train. Attends, Jul. Jul, viens, reviens là, parce qu'il y a tellement de monde. Il y a D-Fool qui te parle. Oui. Oui, Jul, on t'attend pour d'ici un quart d'heure, 20 minutes là. Allez, c'est bon, j'arrive d'un coup. Très bien, il y a Romano qui s'est préparé, pareil, puisque vous avez fait un petit deal tous les deux, d'après ce que j'ai entendu l'autre jour à l'antenne. Ah ouais, c'était quoi déjà? Moi, je me souviens plus non plus. Ouais, si, tu dois. Ah si, on va chanter ensemble. Oh, ouais, tranquille. Arrête. Ah bah non. C'est obligé, on va faire un feat. Bah je crois. Je crois que tu vas y avoir droit. Sauf si t'es pas d'accord. Je sais pas, on va voir, il est d'accord. Les gens ils disent que j'ai changé, on va les laisser dans le suspense. Eh bien on te retrouve tout de suite, Jules. Allez, avec va, nous. Demain soir. Oui. Planète Rap, excusez-moi, j'ai un petit peu en décalage horaire. Avec un invité surprise peut-être demain soir. Soyez là. Donc on sera là. Bah de toute façon on loupe pas un Planète Rap de la semaine là. Pas un rendez-vous cette semaine. 20h-21h Planète Rap. Excuse-moi. Fred dit tous. Ah ouais, je suis en train d'y rester là. Ouais, ouais. Et il y a du monde, Fredo. Ah bah, y a un brouillard surtout là. Il y a du monde et il y a du brouillard. Et ouais. Bon, Barcelone PSG à suivre. 9 minutes de jeu pour l'instant, 0-0. 0-0. C'est le pronostic de Jules. On va suivre ça tout au long de la soirée. Et puis bah, c'est parti, Radio Libre en direct sur Skyrock avec tout de suite Calvin Harris et Big Sean. C'est pour démarrer la soirée, Calvin Harris, Big Sean. On écoute Open Wide et on vous attend en direct tout de suite. Ciao, salut Fredo, à demain. Ciao.